Qu'est-ce qu'on va récolter là du coup? Poireaux, navets, betteraves. Là on est dans un endroit qui est vraiment sympa parce qu'on est sur une ferme en bio où il y a une centaine d'hectares de plaine autour de nous qui est cultivée en grande culture, céréales, lentilles, soja. Tout autour c'est que de la forêt. Cette centaine d'hectares elle est en bio, donc c'est vraiment un endroit précieux parce que c'est rare de pouvoir faire du maraîchage entouré de bio et entouré de forêt. Donc autour de nous, bah là on est dans le jardin où il y a des carottes, des poireaux, des blettes, on est sur des cultures de fin d'hiver, des betteraves, des navets. On entend les oiseaux qui chantent parce que c'est bientôt le printemps. Ça c'est artichaut et cardon. J'ai jamais réussi trop à avoir des beaux artichauts, ni à les avoir en avoir suffisamment en même temps. C'est un peu de la déco, quoi. Ça doit servir peut-être d'abri à différentes bestioles. Il y a des oiseaux, des hérissons, des lièvres, des chevreuils, des sangliers, des campagnols, des rats, des limaces, des musaraignes. Ça c'est pour ceux que je vois, parce qu'il y a certainement tous ceux que je ne vois pas. Il y a un chat qui patrouille sur la ferme pour, on va dire, un petit peu réguler les rongeurs. Des fois, t'as encore la peau et t'as encore les feuilles vertes dessus, donc de loin, tu dis wow, « Waouh, la belle carotte !» Tu la prends et t'as de l'air, quoi. La première année, j'ai vraiment flippé parce que les campagnols m'ont bouffé beaucoup de trucs, et notamment... des plants. Je plantais des haricots, un quart d'heure après je me retournais, la moitié des plants étaient bouffés. Donc ça c'était très démoralisant. Je me suis dit que s'il y avait des campagnols, à un moment donné il y allait avoir des prédateurs, genre des renards, des chats, des choses comme ça, des belettes ou que sais-je. Donc j'ai croisé les doigts en me disant que la nature allait équilibrer tout ça. Et j'ai l'impression que ça s'est un peu équilibré. Il y a toujours, comme tu as vu, pas mal de carottes creuses, mais on va dire que ça reste acceptable. Et puis on n'a pas de. On n'utilise pas d'engin mécanique, thermique sur la parcelle. Donc le sol n'est jamais retourné. Tu vois, il y a des arbres de terre partout. Il y a plein. Là il fait un peu froid, il n'y a pas beaucoup d'insectes, mais d'habitude tu as des araignées, des carabées, des papillons, des insectes partout. Je m'oublie pas mes planches, je touche vraiment pas au sol. Il n'y a que là, j'utilise la grelinette pour sortir les carottes. Mais c'est vraiment la vie du sol qui fait la structure. Du coup oui, effectivement, je favorise un peu la présence des campagnols. J'utilise pas d'intrants d'origine animale, d'un point de vue énergétique et du point de vue des éléments nutritifs. C'est pas une étape indispensable en fait. Si on prend l'exemple du fumier, c'est de la paille mélangée à de la bouse, et la vache avance pour se nourrir, elle a mangé de l'herbe. Donc en fait les éléments que tu retrouves dans la bouse, ils étaient déjà dans l'herbe avant. Donc autant utiliser l'herbe, tu fais une économie de temps et d'énergie. J'utilise beaucoup du foin de luzerne, qui est fait sur la ferme ou qui est fait aux alentours. Foin de luzerne parce que c'est riche en azote, c'est une légumineuse. Il y a des bottes un peu partout autour du jardin. J'utilise aussi beaucoup de ce qu'on appelle déchets verts, donc feuilles, tontes, copeaux de bois, BRF, ça c'est du produit brut qui nous est amené par un paysagiste. Et j'utilise aussi du compost selon les cultures que je vais mettre en place. Mon itinéraire technique standard, on va dire, c'est que je vais pailler le sol, je vais repiquer dedans mes plants de poireaux, salades. Donc dans ce cas-là, j'utilise du foin de luzerne ou du BRF par exemple. Et puis pour les semis de petites graines type carottes, là c'est du semis direct, donc je peux pas faire ça dans du foin ou dans du BRF, donc dans ce cas-là je vais pailler avec du compost.